Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Quelques jours après la suspension de France 24 sur son territoire et quelques mois après la suspension de RFI, place à présent à deux journalistes de deux quotidiens qui ont été expulsés du territoire après une convocation du côté de Ouagadougou, précisément à la Sûreté nationale. Les rédactions dont de Le Monde et La Libération ont décrié, ont dénoncé cette mesure, la qualifiant donc d'arbitraire et d'inacceptable. Et il convient de le souligner que le gouvernement burkinabé, à travers son porte parole a donc décidé de condamner fermement les manipulations déguisées sous forme de journalisme. Il s'agit là des propos du porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. À cet effet, quel est le rôle véritablement de ces médias occidentaux au Burkina Faso, informés dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle? Ou alors, mesdames, messieurs, un autre sujet qui suscite une pluie de rédactions, de réactions, tant pour moi, sur la toile, sur des plateaux télévisés ou alors dans des radios, c'est la Fédération de Russie qui aujourd'hui est à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU. Une pluie de contestations. Pourquoi tant de contestations? La Russie est-elle un danger, une menace véritable pour l'Ukraine et ses alliés, comme le martèlent des géopoliticiens? Que va changer la présidence russe? Des pouvoirs en plus? À l'exception de, en dehors des autres membres qui ont un droit de veto. Mesdames, Messieurs, pour en parler ce soir, comme à l'accoutumée, un plateau assez garni. Et avec le pasteur André-Christophe Fanga qui nous retrouve, ça fait quand même un bon bout. Bonsoir et bienvenue. Céleste Capen, bonsoir. Laissez-moi vous apprécier à votre juste valeur. Céleste, vous êtes vraiment céleste. Je sais qu'il y a mon voisin, mon copanéliste qui dira mieux. Mais permettez de saluer les téléspectateurs d'Afrique Média. Je salue la technique et tout, surtout le directeur des programmes, M. Jérôme Ebossama. Merci pour ce travail formidable que vous faites au quotidien pour que les milliards de téléspectateurs d'Afrique Média puissent être servis et à la bonne information. Laissez-moi commencer par un coup de gueule ou bien une appréciation. Demain, nous installons, en fait, le directeur général des impôts sera installé demain au niveau à Yaoundé. Le directeur général, M. Moyon Abate Roger, Athanase, fils de la région de l'Est, une fierté pour notre région, parce que je suis originaire de la région de l'Est, département du Oignon, arrondissement de Ngelmunduka, dont il sera installé demain par le ministre des Finances et nous apprécions, pas selon, il ne faut pas écouter les rumeurs ou bien les discours haineux de certains qui passent dans les réseaux sociaux qui disent que la région de l'Est n'est pas contente de cette nomination. Non, l'Est dans son entièreté est fier de cette nomination de M. Moyon Abate comme directeur général des impôts. Et la communauté, tous les villages de l'Est Cameroun, les Pygmées, comme on peut le dire, sont fiers d'avoir un digne fils de cette capacité qui a été major à l'ENA de Paris, major au Cameroun. En fait, il a été major presque partout. C'est une façon de dire, et je profite aussi pour saluer mes chers aînés ici dans la ville de Douala, qui me disaient l'autre jour, enfin, le pygmée peut se balader en ville gaillardement parce qu'il y a déjà des modèles, des exemples de cette catégorie de personnes qui peuvent prouver que l'Est n'est pas seulement enclavé, l'Est aussi a de l'intelligence, l'Est a la capacité d'être au-devant de la scène. Et nous le voyons déjà avec trois postes de directeurs généraux, c'est-à-dire le directeur général du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor, que nous saluons avec un travail formidable qui est resté dans les annales de l'histoire dans le monde aujourd'hui parce que venir mettre en mal un puissant Bolloré, parce que l'incompétence de Bolloré était prouvée et M. Cyrus Ngo a prouvé pendant, est en train de prouver même jusqu'à présent par rapport à ce travail vraiment, vraiment hyper important dans ce port autonome. La Camwater aussi, M. Blaise Moussa que nous saluons. Donc vous voyez qu'en réalité, Le rayonnement de l'Est a commencé et vraiment que des gens arrêtent de porter des critiques inutiles sur certains hauts serviteurs de l'État du Cameroun qui prouvent au quotidien qu'ils sont les meilleurs à leur fonction. Donc, merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de passer ce petit coup de gueule qu'il fallait et donner rendez-vous à toute la communauté de l'Est, à tous les ressortissants de l'Est qui vivent à Yaoundé et qui. Nous devons nous retrouver demain pour l'installation du directeur général des impôts parce que c'est une fierté pour nous. Et l'Est, dans son tréfonds, est fier et remercie le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour cette marque de confiance à une région qui lui a été toujours fidèle. Vous êtes analyste politique, M. André-Christelle Fanga, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. Merci d'être là ce soir. Et ce message qui, à coup sûr, n'est pas arrivé dans des oreilles de sourds. Un autre panéliste sur ce plateau, M. Jonathan Batengene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Céleste Capen, votre divine présence parmi nous illumine le plateau. C'est vrai, mon frère, grand frère, mon cher aîné, le très estimé pasteur Fanga vous a qualifié de céleste. Et ce n'est que la réalité de ce que vous exprimez sur ce plateau. Votre divine présence nous inspire et nous permet de nous mouvoir avec beaucoup plus d'altesse et de avec beaucoup plus d'altesse et de sérénité. Nous sommes très heureux de partager ce plateau avec vous. Vous êtes une des princesses du combat panafricaniste. Nous reconnaissons cette posture de toutes les grandes Amazones qui portent ce combat, qui n'ont pas peur de se mettre au devant de la scène et qui affrontent les regards. On sait combien ils sont ostracisants, ces regards, parfois, si ce n'est étiquetant. Et il arrive parfois que des princesses n'acceptent pas l'étiquette de panafricaniste pour le tort que ce courage pourrait causer à leur beauté. Mais vous, vous osez vous présenter et vous assumez le panafricanisme. Pour ça, nous vous rendons un vibrant hommage. Merci de toujours être présente à nos côtés dans ce combat. Nous savons qu'il y a beaucoup d'autres Amazones, des dignes princesses d'Afrique, qui comme ça sont en train de mener le combat. Nous pensons à la grande Amazone, la lionne de Bamako, Amina Fofana, à notre grande sœur Linda Larbaoui, et toutes ces grandes dames, les Adjeté Ablawa, toutes ces grandes dames qui donnent au continent de la fierté. Et même, il y en a qui sont peut-être des anonymes, les Karine Kwame, les Bikoko, toutes ces dames-là. Voilà, elles sont nombreuses. Hein, Madame Tanga Madeleine, toutes ces dames-là que nous lisons parfois avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Merci de nous accompagner. Merci de porter le combat. Oh, Madame Cissé, depuis la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas citer tout le monde. Ce n'est pas faute de ne le vouloir, c'est parce que le temps qui nous est imparti ne le permet pas. Nous adressons notre solidarité à notre frère Nestor Podassier. Nestor est injustement incarcéré au Burkina Faso. Nestor est un combattant de la première, un des garants de la libération du Burkina Faso. Aujourd'hui, Nestor est en train de payer une situation injuste, c'est que la justice burkinabé est actuellement en otage par des juges corrompus, des juges qui ont fait allégeance aux forces extérieures. Cette justice-là, nous appelons tous les panafricanistes, nous les sollicitons pour la réforme, pour appuyer le capitaine Ibrahim Traoré, digne président du Burkina Faso, à la réforme de la justice du Burkina. Tous les panafricanistes, aujourd'hui nous avons l'information juste sur ce qui arrive à notre frère Nestor. Le Burkina est truffé de larbins, surtout le monde de la justice. Nous appelons les avocats, les juges burkinabés, qui ont encore une once d'intégrité, qui ont cette fève panafricaniste de se rapprocher du président Ibrahim Traoré et de l'aider à faire la lumière sur ce monde-là. Il faut une réforme de la justice du Burkina. Au président Ibrahim Traoré, nous lui demandons de prendre son courage. Il est un militaire. Qu'il n'ait peur de rien. S'il a osé affronter les terroristes avec des armes, il ne peut pas craindre les terroristes qui utilisent le droit. Il doit eux aussi les ramener à leur plus simple expression. Soit ils abdiquent leur allégeance. Je parle ainsi des kabouristes, ceux qui ont fait allégeance à Rochma Christian Kabore. Il n'est plus président. Il n'a plus de pouvoir. C'est un ancien président, on le respecte. Mais il était France-Africain et nous insupportons cela. Arrêtez ces simagrées. Nous pensons également aux compaoristes. Tous ceux-là qui ont fait allégeance au grand dictateur, despote sanguinaire, Blaise Compaoré, criminel par excellence. Arrêtez cela. Le temps du crime est passé, c'est révolu. Si vous restez dans le passé, vous risquez d'être ramené dans le passé. C'est-à-dire vous serez balayé comme ceux à qui vous avez prêté allégeance. L'Afrique insupporte ce genre de comportement. Vous avez encore le temps de changer. Changer de camp pendant qu'il est encore temps. Quand nous parlons de ce temps, vous avez une bonne semaine pour réfléchir. Changer de camp. Président Traoré, nous les panafricanistes de partout en Afrique, nous te soutenons, nous t'implorons de réformer la justice. La justice est un domaine à réformer dans les jours à venir. Il faut une réforme de la justice. Et pas seulement la justice. D'après tous les renseignements qui parviennent à tous les panafricanistes actuellement, il se trouve que plusieurs autres secteurs sont infestés de ces larbins. À un, nous leur disons encore, hier c'était Damiba. Il se prélassait dans les coussins de la présidence. Il se prélassait avec le champagne des caves de la présidence. Aujourd'hui, il est où? Vous allez le suivre. Vous tous qui voulez le suivre, vous allez le rejoindre dans sa retraite anticipée. Vous allez vous-même vous mettre en retraite si vous continuez avec ces vieilles basses besognes. On ne peut pas avoir un pays qui veut avancer et vous le tirez vers le bas. Notre frère Nestor Podassier, il avait une amende de 2 millions à verser. Avec l'élan panafricaniste, nous avons pu mettre à sa disposition déjà une partie de cette somme. Il faut la compléter. Nous interpellons tous les panafricanistes de bonne volonté, tous ceux qui ont la capacité de mettre la main à la pâte, de prendre le contact de M. Sawadogo qui sera transmis à la régie. Prenez contact avec M. Sawadogo, c'est le secrétaire général de la planète des jeunes panafricanistes au Burkina Faso. Et vous pourrez discuter des modalités de votre contribution. Nous avons besoin de mobiliser 2 millions de CFA. C'est rien. Nous avons une diaspora panafricaniste assez importante. Et cette diaspora, nous savons qu'elle sait se mettre au service de la cause. Nous l'interpellons, nous la sollicitons humblement. Il faut que notre frère Nestor, cette semaine, soit libre. Nous avons déjà mobilisé un montant qui peut aider à cela. Mais il faut que nous payions toute l'amende. Nous allons payer tout. Nous avons dit que nous ne ferons pas appel. Il sera gracié au moment venu. Nous souhaitons que Nestor soit libre. Il a déjà fait 4 mois de prison. C'est pas digne pour notre combat. Il faut qu'il soit le plus tôt libre. Nestor, jeudi, a rendez-vous parce que la somme a déjà été déposée. Mais d'après ce qui nous a été rapporté, si nous avons la totalité de la somme, ce sera encore un atout. C'est jeudi le rendez-vous avec le juge. À monsieur le juge, nous lui souhaitons une bonne soirée en lui disant « Il faut méditer sur quel avenir vous voulez donner au Burkina Faso. Si vous êtes tourné sur le passé ou bien si vous êtes résolument engagés sur l'avenir. L'Afrique et les panafricanistes vous tendent la main. Saisissez-la et avançons vers l'avenir du Burkina Faso. Vous êtes sociopolitiste, monsieur Jonathan Batéguéné. Merci d'être là ce soir. Monsieur Alain Jules-Meigneux, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Céleste, bonsoir l'Afrique. Très heureux de revenir sur votre plateau. Ça fait un bon bail que je n'ai pas été là. Et très heureux, n'est-ce pas, de savoir que M. Fanga est là. Je lui dis bonsoir. Je dis bonsoir à tout le Cameroun et bien évidemment à nos copains qui sont là, et à Gamel qui est de l'autre côté, ici aussi en France. Nous sommes dans le même département. Et bien évidemment, le copaniste qui venait de s'exprimer, malheureusement, j'ai pas retenu son nom. Je lui dis aussi bonsoir. Et donc, voilà, j'espère que on aura des échanges fructueux pour ce soir. Et bien évidemment, on pourra décrypter cette actualité-là qui est assez brûlante aujourd'hui. Et bien évidemment, je crois que on parlait du panafricanisme. Effectivement, je crois que ça nous servira de leçon, ce qui se passe, notamment aux Nations Unies aujourd'hui, et puis la tournure que prennent les événements africains, parce que je parle de l'Afrique, je ne désigne pas un pays tel que, en tant que tel, mais bon, le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Par conséquent, je crois que c'est une bonne marche vers la libération de l'Afrique. On ne dira jamais assez. Hein. Il faut que l'Afrique puisse se libérer de cet étau-là occidental, on va dire américano-occidental. Et donc, j'ose espérer qu'effectivement, les jeunes qui nous suivent prendront conscience, n'est-ce pas, de nos capacités, de nos valeurs morales aujourd'hui, qui montrent que, en fait, l'Afrique peut se développer sans que des gens viennent lui donner, n'est-ce pas, des ordres, etc. Donc, voilà. Merci pour votre présence ce soir. Une première. Avec vous, Monsieur Alain Jules-Meigneux, vous êtes analyste politique. Merci pour votre d'être là, de répondre à cette invitation de la télévision panafricaine. Notre invité, pas des moindres, Monsieur Djamel Guesson. Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Bonsoir, merci pour cette invitation. Le grand bonjour à la mère patrie, l'Afrique, à vos invités et à toutes les personnes qui vous suivent et pour lesquelles deux questions centrales vont être abordées aujourd'hui, des questions tout à fait essentielles dans l'analyse qui devra en être faite et traduite au sens politique et qui concerne bien évidemment l'Afrique de manière in fine. Et de ce point de vue, ce sont là deux questions tout à fait essentielles et je vous remercie de m'avoir invité précisément pour ces questions qui se soulèvent et s'analysent sur le prisme politique, l'incohérence qui va finir par donner plus de cohérence aux pays africains dans leur position vis-à-vis des Occidentaux. Je vous remercie pour cette invitation. Merci, merci infiniment d'être là, Monsieur Djamel Guesson. Vous êtes chercheur en sciences sociales, mais également spécialiste des questions sécuritaires. Alors, le plateau étant présenté, on va ouvrir ce débat avec le sujet d'accueil, Monsieur André-Christel Fanga, deux correspondantes de deux quotidiens, Le Monde et Libération, qui ont été expulsées du Burkina Faso, le gouvernement burkinabé qui a dénoncé des manipulations déguisées sous forme de journalisme pour ternir l'image de la République du Burkina Faso. Il convient de le souligner. Vous êtes directeur de publication de la Dépêche du Midi. Je vais entrer directement avec cette question centrale. Quel rôle jouent concrètement les médias occidentaux au Burkina Faso? Informer dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle ou alors servir les intérêts particuliers avec une plume partisane? Merci Céleste de me passer la parole en premier pour justement étayer davantage sur ce sujet que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour. Permettez-moi de saluer les copanélistes qui sont de l'autre côté de Zoom. J'ai vu mon frère Alain Jules Meignet, donc je salue du côté de la France, qui est aussi un journaliste qui est dans ce couloir-là de l'information. Donc, peut-être il ne le dit pas assez, mais je le vois très prolixe, là, même dans les réseaux sociaux et même dans certains groupes que nous, nous partageons ensemble. Et l'autre aussi, l'espère, en jeu, qui est en question sécuritaire. Monsieur Djamel, donc soyez salués. Nous sommes ravis de partager le plateau avec vous et c'est très intéressant. Et je commence mon propos justement en m'adressant à lui, notre ami l'espère, qu'il nous salue le président Macron en France. On a appris qu'il y a une dictature féroce en France aujourd'hui. Il y a une répression énorme en France aujourd'hui. Il y a quand même des gens qui ne peuvent plus respecter la volonté du peuple, c'est-à-dire commençant par les élus, c'est-à-dire le Parlement et tout, on peut sauter et aller directement prendre des décisions directes. Parce que si c'était dans un pays africain, comme nous parlons du Burkina Faso aujourd'hui, on allait nous raconter les leçons de démocratie, les leçons de déontologie, les leçons de je ne sais pas quoi d'autre. On allait nous dire non. Vraiment, c'est pas, ça ne cadre pas avec les idéaux ou bien la démocratie. Ça ne cadre pas avec la liberté d'expression. Ça ne cadre pas avec ceci. Mais nous avons vu quand même un chef d'État français prendre des décisions hyper importantes, n'est-ce pas? Il s'en fout du peuple carrément. Il s'en fout. Donc, c'est pour justement mettre de l'eau dans mon moulin, mon propre moulin, n'est-ce pas? Pour mieux écraser la situation qui se passe actuellement au Burkina Faso. Parce qu'en réalité, on est dans une guerre. Et la guerre, il ne consiste pas seulement à avoir les armes, non. Même le micro est une arme. La plume est une arme. D'ailleurs, nous savons tous que la guerre de l'information aujourd'hui est au cœur du système de la stratégie mondiale, n'est-ce pas? Nous savons que celui qui tient les médias tient le monde. Celui qui tient l'information tient le monde. Donc aujourd'hui, en tant que directeur de publication, je sais et je sais et je sais qu'il y a beaucoup de manipulation au travers des journaux, au travers des organes de presse. Aujourd'hui, nous savons que l'empire du mensonge, et permettez-moi d'aller dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Ils ont pour père le diable, n'est-ce pas? Ils ont pour père le menteur universel. Ils ont pour père celui qui ment dès le commencement, c'est-à-dire le diable. Et ils ne veulent que faire la volonté de leur père, de celui qui a menti dès le commencement. Donc nous vivons dans l'empire du mensonge. Si aujourd'hui on ne nous dit pas la vérité sur réellement ce qui est en train de se passer au Burkina Faso, alors là vous comprenez que il y a des formations de l'information. Et le journalisme ou bien la presse aujourd'hui a un rôle hyper important, ou de former ou de déformer. C'est les deux rôles hyper importants. Et quand on parle de déformation, ça veut dire qu'il y a même manipulation à l'intérieur. Donc nous constatons qu'aujourd'hui, ces médias sont devenus des médias de manipulation et de mensonges, de déformation de la vérité. Et nous savons tous que celui qui tient les maillons des médias tient le peuple en haleine. On est capable de manipuler le peuple. D'ailleurs, si l'Afrique est longtemps restée en arrière, c'est à cause de l'information. Parce que tout le monde s'abreuvait à la même source, n'est-ce pas? Quand ce n'est pas RFI qui disait, ça, ce n'est pas France 24 qui a dit, quand ce n'est pas BBC et tout le reste là qui a dit, ce n'est pas la vérité. Donc, nous tous, nous étions concentrés sur ces informations-là, frélatées surtout, parce que la réalité, elle n'était pas celle-là, la vérité n'était pas celle-là. Aujourd'hui, on constate qu'on a plus affaire aux agents secrets français que des journalistes. On a plus affaire à des agents du ministère. Vous appelez ça quoi? De l'intérieur français, n'est-ce pas? Où on a plus affaire à des agents de la DGSE française. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, ces journalistes qui ont été expulsés, Sophie Douce, n'est-ce pas? De Le Monde, du journal Le Monde. Sophie Douce n'a pas été très douce avec le Burkina Faso. Alors qu'on s'attendait à une douceur comme celle que vous nous apportez sur ce plateau. Mais Sophie Douce a passé le temps à critiquer, à donner des informations, à renseigner même les autorités françaises sur une situation qui n'est pas vraie au Burkina Faso. Nous savons tous qu'aujourd'hui, ce qu'ils disent sur le Burkina Faso n'est pas vrai. Ce qui est en train de se faire au Burkina Faso n'est pas vrai. L'engagement des autorités de transition du Burkina Faso, c'est justement de mettre hors d'état de nuire les rebelles. La rébellion, les djihadistes, les terroristes. Mais quand vous, Vous passez le temps à diaboliser ces autorités de transition. Vous passez le temps à dire comment ils sont illégitimes. Comment vous commencez à dire que non, ils commettent des actions, ou bien l'armée commet des exactions. Ou bien vous avez des entretiens exclusifs avec les chefs rebelles, djihadistes. Alors, vous vous attendez à quoi? Que nous, on va toujours continuer à vous regarder comme ça. On va continuer à vous supplier, à vous dire, mais non, il ne fallait pas communiquer sur ça. Non. Chers consoeurs, soyez un peu, mettez la pédale douce. Sophie, tu es douce. Mets un peu la pédale douce. Bon, heureusement, tu es déjà rentré. Parce que il ne fallait plus que tu restes dans le territoire. Bon, c'est elle que je connais plus, avec la dame de Libération, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas fait un travail vraiment professionnel. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, les médias jouent un rôle hyper important dans la guerre du 21e siècle. Cette guerre du 21e siècle, ils travaillent justement pour permettre à l'ennemi d'avoir des avancées, d'avoir des bonnes informations. Parce qu'en réalité, si j'ai vu une photo d'un célèbre espion français là, j'ai oublié son nom, m'échappe, disparaît de ma tête, Henri Lévy. Avec les djihadistes, avec certains barons des terroristes. Et vous avez des journalistes qui réussissent quand même à interviewer des seigneurs de guerre, des gens qui mettent dans le mal des États. On n'a pas dit que ce n'est pas normal, le journaliste fait son travail. Mais quand le journaliste fait son travail jusqu'à arriver à ce niveau-là pour compromettre la sécurité d'un État, alors là, messieurs, le Burkina Faso ne doit que réagir comme ils ont réagi. Donc, nous félicitons ces autorités-là parce que la propagande du mensonge, on en a marre. Il faut arrêter ça, vraiment arrêter ça. Nous ne voulons plus de ça. Nous savons que l'Afrique a été votre grenier hier. Aujourd'hui, les Africains ont compris que non, pour chasser le coq, il faut faire le cercle, n'est-ce pas? Il faut entourer le coq et le coincer dans un coin de mur et l'arrêter et faire ce qui a lieu de faire et finir dans une bonne sauce d'arachide. Monsieur Alain Jumeignet, vous êtes analyste politique mais également journaliste. Et une question qui, de façon générale, quel rôle joue concrètement un journaliste? Informer, désinformer, servir des intérêts particuliers avec une plume assez partisane, une plume mouillée, comme on dit de façon triviale, ou alors le respect véritable, scrupuleux de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Toutes les écoles de journalisme ont dit qu'un journaliste est là pour parler des faits, essentiellement des faits, uniquement des faits. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire qu'il n'est pas là pour désinformer. Il est là parce qu'il a une déontologie, n'est-ce pas? Et il doit respecter cette déontologie-là. Malheureusement, ce qui se passe, vous savez, comme je le dis très souvent, il n'y a pas aujourd'hui, n'est-ce pas, de génération spontanée qui va arriver au niveau des journalistes occidentaux qui finalement se croient tout permis quand il s'agit de parler de l'Afrique, se croient tout permis quand il s'agit de relater ce qui se passe en Afrique. Je crois qu'à partir de ce moment-là, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème parce que quand on se permet tout et finalement rien, ça devient extrêmement compliqué. Alors, j'en veux pour preuve, n'est-ce pas, un petit exemple ici qui se passe en France, c'est-à-dire que les politiques unilatéralement ont supprimé, n'est-ce pas, la chaîne Russia Today. Et sans compter Spoutnik, n'est-ce pas, en les accusant de propagande. Alors, au nom de quoi, aujourd'hui, n'est-ce pas, on va parler de décisions arbitraires quand les autorités burkinabées estiment à leur tour qu'il s'agit de la propagande de ces journalistes-là qui se sont permis quand même une chose extrêmement grave, c'est-à-dire qu'aller interviewer le chef de l'ARMI, n'est-ce pas, Al-Qaïda au Maghreb islamique, comme ça, et puis diffuser cette interview-là au niveau de grands médias comme France 24. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une faute quelque part. Parce qu'en Occident, on dit qu'on ne traite pas avec les terroristes. Et au nom de quoi les journalistes français permettent, n'est-ce pas, cet écart-là, c'est-à-dire aller interviewer un terroriste. Je parle d'un terroriste. Je crois que c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc, par conséquent, pour moi, c'est une décision normale parce que ces gens ont franchi la ligne rouge. à partir du moment où eux ne peuvent pas se permettre cela lorsque, effectivement, leur pays est en guerre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on voit ce qui se passe justement au Burkina, où le contingent français, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est le contingent sabre, comme ça qu'ils appellent cela, s'apprête aussi à partir. Parce que finalement, comment les journalistes ont pu localiser cet homme-là? Comment ça se fait? Ces gens doivent, au moins, s'ils ne sont pas des espions, renseigner au moins le gouvernement burkinabé qui fait face à ces gens-là, ces gens qui tuent, ces gens qui assassinent, ces gens qui sont dans une posture, on va dire, relativement sereine, à partir du moment où l'armée française sur place ne les pourchasse pas véritablement. Ça, il faut le dire, et je crois que les autorités burkinabées, les nouvelles autorités, ont le droit de le dire. Et c'est ça qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'on ne comprend pas cette liberté-là. Et quand on sait qu'un chef terroriste comme celui-là doit simplement être éliminé, on sait très bien que ces groupes-là, ils cessent d'hydre, hein, c'est-à-dire que la tête repousse, on décapite, mais la tête repousse. Mais... Donc il faut vraiment une opération forte, spéciale, notamment tous les pays africains, les pays frontaliers, pour éradiquer cette vermine terroriste-là. C'est aussi la responsabilité africaine de le faire. Si les peuples ne se réunissent pas pour éradiquer, n'est-ce pas, ces terroristes-là, il y aura un véritable problème demain. Parce que bon, il faut avouer que les pères du terrorisme, effectivement, au Sahel aujourd'hui, ce sont les Occidentaux et les Américains qui, n'est-ce pas, sont les tués Kadhafi, il faut le dire. Et à partir de là, ils ont bénéficié des arsenaux libyens pour aller attaquer qui le Mali, qui le Niger, et aujourd'hui même jusqu'au Togo, hein, Bénin, etc. On voit ces terroristes-là au niveau des frontières. Donc, il y a un véritable problème. Donc, il faut aujourd'hui que les journalistes prennent leurs responsabilités, que les journalistes ne soient pas des propagandistes, parce que là, c'est de la propagande de présenter un chef terroriste comme cela, l'interviewer, etc. Je crois que c'est une faute professionnelle, et ces gens-là méritent effectivement ces sanctions-là. Donc, pour moi, que les forces françaises sabres quittent le Burkina Faso, je dirais oui, mais il faut aider le Burkina Faso au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, il y a certains États faillis, hein, je veux le dire comme ça, sans porter de gants, je ne vais pas les citer là, mais qui ne font pas le travail, qui sont finalement des pays qui acceptent cette doxa occidentale, n'est-ce pas, de la suprématie occidentale, même dans les propos, etc. Donc je crois qu'il faut que ça s'arrête, et il faut que les Africains prennent conscience de leur capacité, de leur valeur morale, et s'unissent vraiment pour parler d'une même voix. On voit très bien l'Algérie, qui est une puissance africaine, surtout au niveau militaire, qui bloque les frontières pour aider notamment le terrorisme au niveau du Mali. Donc c'est très important. D'ailleurs, c'est le seul pays africain qui a lutté pour éradiquer le terrorisme. Donc je crois qu'il faut saluer cela et aller prendre, n'est-ce pas, ces expertises-là algériennes pour éradiquer ces terroristes-là qui sont dans le Sahel. Donc c'est ce que je peux dire par rapport au dossier burkinabé dans ce débat. Alors, Monsieur Djamel Guessoum, comment expliquer cette expulsion des deux correspondantes de Le Monde et Libération? Alors, de manière, je dirais, quasiment simple, voire simpliste, les journalistes du Monde et Libération n'ont fait qu'écouter le président Macron qui, il y a quelques semaines, voire quelques petits mois, avait demandé de manière officielle aux médias français de participer au rayonnement de la France en Afrique pour contrer la Russie. Donc ils n'ont fait qu'entendre de manière directe ce qui a été commandé par le président de la République française. Secondement, donc il y a quelque part une cohérence. J'aimerais aussi évoquer la question de l'interview du chef d'ACMI. On nous ferait croire que des services français, que l'armée française n'a pas eu accès à ce monsieur, mais que de simples journalistes l'ont fait. Mais quelle plaisanterie, quelle funesterie dans laquelle on se trouve. J'aimerais ajouter à cela, d'abord, c'est une position tout à fait louable pour les autorités burkinabées que d'avoir expulsé ces journalistes. Et comme mon prédécesseur indiquait, RT a bien été interdit en France pour une question de propagande. France 24 a été interdite et l'accréditation a été retirée en Algérie. Est-ce qu'on en a, on a fait tout un plat? Mais j'aimerais là aussi vous faire une lecture très rapide de RSF. Alors RSF, c'est Reporters sans frontières. Absolument incroyable. C'est une organisation censée défendre les journalistes à l'étranger. Qu'est-ce qu'il titre? C'est incroyable. RT avance ses pions en Afrique et ouvre un nouveau bureau en Algérie. Je continue juste sur le titre. En Algérie, où certains journalistes étrangers sont à la merci du gouvernement pour exercer leur travail, le média de propagande RT, anciennement Russia Today, vient d'implanter un bureau local. Une drôle de conception de pluralisme est le signe d'une nouvelle stratégie de déploiement du réseau RT sur laquelle RSF a enquêté. En l'occurrence, vous avez une organisation qui est censée défendre les journalistes à travers le monde, qui a d'ailleurs été présidée par M. Ménard d'extrême droite et qui est maire dans le sud de la France, et qui est là à parler de propagande. Donc ce ne sont pas des journalistes, parce que quand on critique des journalistes, à la limite, sur le terme de propagande, on critique toutes les propagandes. France 24 a été interdite en Algérie et personne n'aura son mot à dire, que les choses soient tout à fait claires. Et donc les autorités burkinabées ont été gentilles, ils ont été, je dirais, modernes, intellectuellement poussés pour les avoir conduits juste à l'aéroport et leur avoir permis de rentrer en France. Ils devraient remercier les autorités burkinabées d'avoir fait cela. Ça va même dans leur intérêt. Le premier intervenant parlait de Bernard-Henri Lévy, qui est un peu, qui a du sang dans la main partout dans le monde, et en l'occurrence en Libye, lui aussi. Donc il se réunit avec des djihadistes, mais l'armée française n'a pas accès. Et je veux dire qu'il faut faire appel. Vous savez, j'avais été reçu une fois par l'ancien président Émile Lahoud à Beyrouth, et bon, j'ai le sang algérien. Je n'y peux rien. Donc j'étais un peu vindicatif. Il me disait, jamais soyez raisonnable. Donc je dis aux autorités françaises, soyez raisonnable. Les jeunes Africains ne sont plus à l'époque des 50, 60, 70, 80, 90 où l'information n'était pas diffusée. Et ça a été rappelé par le premier invité. Donc tout le monde sait ce qui se passe. La France est dans une impasse parce qu'elle a produit durant des décennies. Le ministre des Affaires étrangères malien ne vient pas de l'époque où ils appelaient le général de Gaulle papa, n'est-ce pas? Et tous les chefs d'État africains appelaient le général de Gaulle papa, il en avait d'ailleurs marre. Et donc maintenant il ne faut plus appeler le président de la République française papa, il faut simplement traiter d'égal à égal. L'Algérie refuse toute ingérence et n'a pas intégré le G5 Sahel, qui est une escroquerie intellectuelle. La communauté internationale, vous savez, en France, on a l'habitude, et en Europe et aux États-Unis, de parler de communauté internationale, de coalition internationale, lorsqu'il y a 4 pays sur 185 ou 186 représentés à l'ONU. Mais quelle funesterie, mais quelle plaisanterie. Et je pense que nous arrivons véritablement au bout d'un cycle. Ça fera à peu près 60 ans, 70 ans, depuis le début de la décolonisation des pays africains. J'espère aussi que dans quelques années, voire peu de temps, la monnaie, le franc CFA, arrêtera d'être frappé à Chamalières dans un village en France. Moi qui suis né en France, je ne sais même pas où c'est Chamalières. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter de plaisanter. Suspension de RFI, suspension de France 24. Aujourd'hui, expulsion de deux correspondantes de deux quotidiens français. Que se passe-t-il véritablement? Madame Capen, on a l'impression qu'il s'agit d'un procès en sorcellerie. Que c'est simplement parce que non, il fallait les aligner sur l'expulsion de France 24 5 jours avant. Ce qui, tout à l'heure, les copanélistes ont très bien détaillé. Hein. Ce qui est cohérent parce qu'il y a une politique actuellement de protection des Burkinabés, surtout des consommateurs d'informations burkinabés. Mais ce n'est pas parce qu'on a sanctionné France 24 qu'on a sanctionné ces gens-là. Non. C'est bien trop facile pour eux de présenter les choses comme ça. Le 14 février 2023, Libération et Le Monde travaillent sur la diffusion, parce que quand France 24 est sanctionné pour les questions, eux, ils vont reprendre le travail. Il s'agit d'une vidéo qui montre des enfants exécutés dans un camp militaire. Libération, dans son article du 14 mars, va revenir là-dessus. Selon eux, le camp militaire en question est au Burkina Faso. Sophie Douce qui n'est pas et Anne-Fière Fèvre. Qui a la fièvre. Bon, n'allons pas ironiser parce qu'on ne tire pas sur les corbillards. Quand quelqu'un a déjà été expulsé, je crois qu'il peut maintenant jouir de... peut leur faire de la publicité gratuite. Mais Sophie Douce nous dit que là, ils ont vu ça dans un camp militaire burkinabé. Lequel? C'est la première question, Madame Kapen. Lequel? J'ai parcouru l'article de Libération. Ça a valu un peu de contact. Merci aux grands, à tous nos frères de la diaspora qui nous font, qui nous partagent les journaux de la jeune française. Quand vous lisez, il n'y a pas le nom du camp. Il n'y a pas de nom de camp. Des allégations. C'est un journalisme, ça. Et elle se fait passer pour une journaliste d'investigation. Quand on parle de crime de guerre, notre frère Meunier et le directeur de publication, notre frère Fanga ici, peuvent bien revenir sur les éléments de l'investigation en matière de crime. Comment se passe l'investigation journalistique? Qui a été interrogé? À quelle heure cela a-t-il eu lieu? Où précisément cela a-t-il eu lieu? Dans quelle caserne? Qui sont les soldats identifiés dans la vidéo? À quelle unité appartiennent-ils? Aucun de ces éléments n'apparaît dans le reportage. Un montage fabriqué à la lumière de ce que nous avons fait comme mené comme contre-investigation. Ce montage a été fabriqué par les services spéciaux français. Exactement comme il y a quelques mois, nous avons assisté à une vidéo qui circulait déjà dans les réseaux sociaux accusant les Russes et les soldats maliens d'avoir créé un charnier dans une zone d'opération. C'est de la désinformation. Ces gens ne partent pas parce qu'il s'agissait d'un mimétisme. On ne dit pas, bon, Fermont, France 24, non. Après Fermont, TV5, non, après Fermont, Chasson, RFI. Chacun d'eux a été coupable de désinformation. RFI a diffusé un mensonge. Ils ont été sanctionnés. France 24 a interrogé un chef terroriste. Ils ont été sanctionnés. Libération et Le Monde ont relayé une fausse information. Ils ont été sanctionnés. Le Burkina n'a pas agi d'une manière tout à fait unilatérale concernant les trois cas. Chacun a été coupable dans son cas. Le Burkina montre là qu'il n'est plus question de laisser les journaux qui travaillent dans l'intérêt, effectivement, notre copanéliste de tout à l'heure, monsieur qui venait de prendre la parole, notre frère qui est en Algérie ou bien, je ne sais pas, peut-être en France, il a expliqué tout à l'heure quelque chose. Que Macron a demandé à ses journalistes de participer à la guerre d'influence en Afrique. Il appelle ça guerre d'influence. Nous ne savons pas avec qui il est en guerre d'influence. Les Chinois, a-t-il vu les Chinois publier des vidéos mensongères sur l'Afrique? On ne sait pas. Si sa compétition consiste à créer des mensonges pour faire la concurrence aux Chinois, il est en train lui-même de se tirer une balle dans le pied. Mais il en fait déjà beaucoup. Hein. Il fouette les manifestants en France. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à faire des choses extraordinaires. c'est la diffusion de ces fausses informations sur le territoire du Mali, du Burkina, participe à la construction de la légitimation du terrorisme. Ça participe également à la division de la conscience nationale dont le Burkina a besoin actuellement pour lutter contre ces terroristes. Imaginez-vous que les populations burkinabées en arrivent à croire que leur armée, qui est pourtant républicaine, qui agit de manière professionnelle et engrange des résultats concrets sur le terrain en libérant des dizaines de villages, qu'ils en arrivent à croire que cette armée-là est capable d'exécuter des enfants de manière arbitraire. Vous pensez qu'ils leur donneront encore des informations? Parce que la lutte est populaire. Le peuple participe, le peuple informe l'armée. Et c'est sur l'information du peuple que l'armée riposte. Avec ce genre d'informations, on veut décourager les populations de soutenir leur armée. On veut créer une diaspora, parce que vous savez, il y a toujours dans les diasporas ces petits charognards qui n'attendent que ce genre d'informations pour se répandre, que ce soit dans les réseaux sociaux ou même dans la presse occidentale, avec un discours dissonant qui vise à discréditer celui des autorités qui mettent tout le peuple en face dans la lutte contre le terrorisme. C'est donc une action qui sapait les autorités et qui sapait celle des autorités burkinabées dans le cadre de la sécurisation de leur territoire. Et il fallait y apporter une réponse. Le ministre de la Communication a été très clair. Je crois que tous les journalistes qui sont actuellement au Burkina, ils devraient encore reprendre le communiqué qui a sanctionné le départ ou bien la fin de l'émission du signal de France 24. Dans son communiqué, le ministre de la Communication a dit que désormais ils seront regardants sur le travail de tous les journalistes et ils ne toléreront plus des discours qui visent à légitimer le terrorisme ou à saper la politique sécuritaire de leur pays. C'est des priorités pour le Burkina. Libération et le monde ont violé ce principe. Ils ont volontairement, c'est des médias qui, puisqu'ils suivent d'abord la ligne mensongère de l'Occident, ils se sont volontairement mis à la marge et le Burkina n'a capté leur marginalisation en demandant à leurs journalistes, leurs représentants, de regagner leur territoire d'origine. Ce n'est qu'une conséquence logique d'une faute professionnelle grave. Ces journalistes, s'il y avait un conseil d'éthique digne de ce nom en France pour contrôler le travail des journalistes, ils auraient dû être convoqués pour répondre de leurs actes. Mais comme tout ceci se fait en complicité avec le banditisme d'État organisé par le patron de la junte, M. Macron, ils ne vont rien subir. On les présente plutôt dans la presse occidentale comme des héros et on présente les autorités burkinabées comme étant dans un anti-France primaire, alors qu'il ne s'agit rien de tout cela. Il s'agit simplement de journalistes qui ne se sont pas montrés professionnels, qui ont enfreint un principe du journalisme et ont enfreint également un principe d'action de l'État du Burkina Faso. Alors, c'est ici que nous refermons cette première. Allez-y, pour refermer le sujet d'accueil. Alors, parce que Jonathan a donné l'information même qui fait partir des journalistes, parce que en majorité, les djihadistes utilisent les enfants et les femmes pour justement commettre des exactions. Nous avons vu le système Boko Haram, comment Boko Haram utilisait au nord du Cameroun, hein, à l'extrême nord et tout, qui utilisait les enfants avec des bombes qu'ils droguaient, bien sûr, et qui faisaient exploser dans des marchés et dans les villes. Et c'est le même système. Vous voyez qu'en réalité, c'est comme si c'est un programme. Ce programme-là est en train d'être réalisé à la lettre. Et c'est comme si tous les journalistes ont été programmés, surtout français, ont été programmés justement dans ce sens-là qu'il faut tout faire pour discréditer les États ou qui revendiquent leur vraie liberté. Donc, il faut tout faire pour noircir les autorités de transition. Vous savez, prenons l'appellation des journalistes français, par exemple, de France 24, de RFI, celui qui est au Tchad. Comment il l'appelle? Déby. Le général Mahamat Déby. Comment on l'appelle? Quelle est sa fonction? Vous pouvez regarder. Allons au Mali. Comment ils appellent les autorités du Mali? Ils appellent les autorités actuelles du Mali la junte militaire au pouvoir. Même chose au Burkina Faso. C'est le langage, c'est la communication. C'est-à-dire, au Tchad, c'est légitime. C'est-à-dire, on ne sait pas par quel mécanisme le président de la transition du Tchad est arrivé au pouvoir, mais c'est... D'ailleurs, il y a, je crois, François Hollande qui avait déclaré qu'il y a des terroristes fréquentables. N'est-ce pas? Il y a des djihadistes fréquentables. Donc, il y a des assassins fréquentables. Et d'autres ne sont pas fréquentables. Vous voyez, cet État français nous habitue à un système où nous voyons aujourd'hui qu'ils sont en train de répéter la même chose. Ils sont en train de faire la même chose au quotidien. Donc, aller prendre des images, on ne sait pas où. Et rappelons-leur, Meunier pourra en dire plus sur cette affaire. Est-ce que vous savez que pour qu'on attaque la Libye, on a tourné une vidéo dans une salle de cinéma et en disant que voici les je crois que c'était en Arabie Saoudite ou à Dubaï, où on a tourné une vidéo soi-disant Kadhafi était en train de massacrer ses populations. Je dis bien une vidéo dans une salle de cinéma. Donc on est allé dans un truc comme Hollywood, on a fait un scénario. On a dit non, voici ce que Kadhafi est en train de faire aux populations. C'est ça qui a valu une décision au Conseil de sécurité d'attaquer que l'OTAN puisse venir bombarder la Libye avec l'instigation de M. Nicolas Sarkozy, l'assassin du 21e siècle. Donc, vous voyez que l'État français nous a habitués à des scénarios. Et ces scénarios-là, la presse est utilisée justement pour davantage faire la propagande de cela et pour que le monde prenne des décisions et que les populations soient à gare face à une situation comme celle-là. Parce que quand les populations vont entendre, comme l'expliquait tout à l'heure Jonathan Batengene, que non, les militaires ont massacré les enfants. Vraiment, quel choc émotionnel pour les mamans, quel choc émotionnel pour les parents, quel choc émotionnel pour les hommes qui sont en train de s'engager, les gens qui sont en train de s'engager pour justement aider l'armée dans le renseignement et peut-être même aller au front, n'est-ce pas, ces autorités civiles-là. Donc, vous voyez qu'il y a tout est mis en place dans cette guerre-là. Et quand Macron vous dit, la presse française, les journalistes français doivent aider à réodorer le blason de l'État français. Et même, ils demandent même jusqu'aux hommes d'affaires, n'est-ce pas, français, d'aller un peu, d'arranger que ce n'est plus l'époque où M. Nicolas Sarkozy imposer les hommes d'affaires dans les affaires en Afrique où François Hollande ou les autres chefs d'État transportaient, venaient signer les contrats pour les entreprises françaises et même s'ils ne réalisaient pas. La preuve en est, allez chez moi au Cameroun, vous allez trouver que la France a fait un pont sur un pont. Un pont qui coule de l'eau, qui prend de l'eau à chaque fois qu'il pleut. C'est incroyable. Vous allez retrouver que tout ce que la France a fait chez nous en Afrique, que ce soit dans les ports, que ce soit dans les villes, d'ailleurs même le contrat CD2, c'est une catastrophe incroyable dans nos continents. Au lieu de faire les rigoles, on a fait les rigolettes. Donc à chaque fois qu'il y a grande pluie dans les secteurs comme Douala, alors que c'est le contrat CD2 qui a fait ces rigoles. Donc vous comprenez qu'en réalité, on a un État abrasif et corrosif qu'on appelle la France, qui veut davantage mettre en mal des sociétés comme des pays comme le Burkina Faso, qui veut mettre des États comme le Mali en difficulté, parce qu'en réalité, au travers de la propagande journalistique, de la déformation de l'information, ou bien du viol même de la conscience des Africains, c'est pour ça que nous conseillons aux Africains aujourd'hui, vous avez le choix. Madame Céleste Capen, j'ai mon téléphone en main. Ça veut dire que ça peut être ma télécommande. Comme ma télécommande de la télévision. S'il vous plaît, chers Africains, prenez vos télécommandes et zappez toute chaîne qui vient de la France, qui diffuse des mensonges. Prenez, on ne vous a pas forcé. Changez même les bouquets Canal+. Changez les bouquets, changez tout ce qui est imposé. N'utilisez plus Canal+. Donc, allez à autre chose. Mais écoutez, quand quelque chose devient corrosif, quand quelque chose devient abrasif, quand quelque chose devient nocif, qu'est-ce que vous faites? Nous avons vu l'exemple avec le Covid. Ils nous ont imposé le Covid, les vaccins. Eux-mêmes ne se sont pas vaccinés. Macron n'est pas vacciné. Tous, ils nous ont imposé les masques, ils nous ont imposé. Boris Johnson faisait la fête avec ses gens, avec sans masque, sans protection. Boris Johnson, ancien premier ministre en Angleterre. Mais c'est chez nous qu'on nous a imposé. Non, ne vous rassemblez pas plus de 50. Ne faites plus de réunions. Ne faites plus ceci. Et tout le monde est entré dans cette gamme-là. Donc, la manipulation aujourd'hui dans le monde. Où sont les journalistes qui nous disaient que non, le Covid est réel, l'Afrique va mourir en quantité? Vous voyez la manipulation de l'information, la manipulation, la déformation de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes où aujourd'hui? La vérité, c'est que les autorités du Burkina Faso doivent continuer à veiller, à regarder point par point. Et si tout journaliste étranger au Burkina Faso ne fait pas le compte rendu ou bien ne fait pas véritablement le travail qu'il faut, alors là, cher monsieur, vous allez dégager de ce pays-là parce qu'en réalité, c'est la voie. L'Afrique aujourd'hui a compris les enjeux et même les enjeux de la communication parce que la vérité, elle est là, nous la diffusons. Et si on peut faire la propagande d'un média, regardez Afrique Média. Bon, il convient de souligner quand même que vous avez mis en avant, vous avez fait part d'une information. Nous osons croire que vous avez les preuves de cette information concernant le vaccin, la vaccination du président Macron. Nous osons croire que vous avez des preuves. Allez demander aux Français. C'était juste pour refermer cette parenthèse. Il y a des Français. Bon, je ne vais pas mettre en mal mon ami Jules Meunier ou bien notre frère algérien. Donc, j'assume ce que je dis. Je sais que Macron ne s'est pas vacciné. Vous savez que Boris Johnson a été poursuivi, n'est-ce pas? Au moins. D'ailleurs, même, on parle des gens qui n'ont pas l'humanité. Ils n'ont pas d'humanité. Et sachez que le monde est en guerre entre les vrais humains et ceux qui ne sont pas humains. Parce que Macron vous a dit dans une vidéo que cette génération doit s'attendre que la bête de l'événement arrive. Et il a longtemps dit que moi, je suis jupitérien. Donc, quand quelqu'un vous dit ça, il faut comprendre où il peut arriver. Et d'ailleurs, nous pouvons comprendre la réaction de la France actuelle, la réaction de M. Emmanuel Macron actuellement. On peut comprendre les dégâts qu'il est en train de commettre parce que en face de lui, il sait qu'il n'a pas affaire à des gens qui sont comme lui. Les autres, c'est la chair à canon. On s'en fout. Il s'en fout de tout. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a une politique mondiale où des gens imposent certaines choses que eux-mêmes ils ne font pas. Est-ce que Boris Johnson ne s'est pas retrouvé dans une salle de fête avec plus de 50 personnes en période Covid où on interdisait des rassemblements? Vous pouvez vérifier l'information. Vrai. En Angleterre, ça s'est dit, ça s'est fait, ça s'est vérifié. Et d'ailleurs, même s'il a perdu sa fonction, c'est grâce à ce procès-là. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, quand nous le disons, nous avons vu plein de choses qui se sont faites au niveau de la France et qui n'ont pas véritablement respecté les canaux. D'ailleurs même, nous appelons les autorités françaises, nous appelons les Français de nous écouter très bien, de leur dire, s'il n'y a pas moyen de trouver une formule qui peut mettre hors d'état de nuire le destructeur, le despote, celui qui est en train de détruire actuellement la France. D'ailleurs, même il y a quelqu'un qui m'a envoyé une très bonne caricature au téléphone entre Macron et Poutine. Il dit, si tu t'amuses, je vais détruire la France. Macron lui répond, j'ai déjà détruit. Afrique Média, le monde, c'est nous.